Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 25 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et plus tard dans l'émission, Justine Renaud va venir co-animer une bonne partie de l'émission avec moi. On va aussi avoir DJ Cathardy. Donc Justine, c'est ses tartines. DJ, c'est son drop the bass. Les chroniques habituelles, on adore ça. On est très, très excités pour tout ça. Sinon, question dans l'émission d'aujourd'hui, les instants classiques d'assemblage requis, hein, tous les meilleurs moments de la semaine. Mais on a aussi quelques nouvelles entrées dans le Palmarès. On parle de Duchess 16, Half Moon Run, Rocco Code et Trust du côté anglophone. Mais on va débuter à l'instant en 20e place francophone. La seule et unique nouvelle entrée de ce côté-là. Voici le troisième extrait de l'album Cinéma Plymouth de Mauve. C'est Chérie, écoute-moi. Et ça se passe là. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Road. premier bloc de nouvelles entrées, c'est pas mauvais du tout. On vient entendre Trust avec Dressed for Space sur leur album qui s'appelle aussi Trust, mais Trust, c'est T-R-S-T, si jamais vous cherchez. Du côté francophone, on a entendu Move avec la seule nouvelle entrée du côté franco. Le troisième extrait de l'album Cinéma Plymouth, c'est Chérie, écoute-moi. Évidemment, les deux premiers extraits étant Annie Hall et Madeleine qui nous a quittés. Qui est encore là la semaine passée, donc ça vient de nous quitter. Il nous reste trois nouvelles entrées. Ça veut dire qu'on va sauter par-dessus les trois francophones qui ne sont pas les nouvelles entrées, c'est-à-dire Neuron avec Chambord en 19e qui descend d'une place. En 18, ça descend de 2, Gasoline avec Gasoline. Et en 17e, ça descend de 5, Les Revenants avec Beau Danseur. 4e semaine de présence pour cette pièce. On va rester en anglo pour les trois dernières nouvelles entrées. Il va y avoir Duchess 16 et Half Moon Run tantôt, mais on débute en 19e place. Voici Roco Code et je l'ai déjà entendu, je l'adore déjà. Voici Empire au palmarès. Turns full circle.

Trois autres nouvelles entrées des palmarès cette semaine, c'était du côté anglophone. On a entendu au début du bloc Rococo des Empire, en 18e Half Moon Run avec Full Circle, et ça c'était Duchess 16 avec SOH. Donc les trois dernières nouvelles entrées, elles sont toutes du côté anglophone et c'est excellent, j'adore ça. Je rappelle que du côté franco, on a sauté par-dessus Neuron, Gasoline et Les Revenants. Voilà, on les jouera peut-être la semaine prochaine. On vient avec un bloc 3 quarts cette fois-ci. On va sauter donc par-dessus une pièce et en jouer 3 sur 4. Hein, d'où le nom du bloc 3 quarts. On va entendre les Delaware Chuck et Los Campesinos plus tard. Mais on débute en 16e place à monter de une 5e semaine de présence. Voici Mehdi Cayenne Club sur la compilation des Francouvertes 16e édition. La pièce s'appelle Au Canada. Vous êtes au palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et ça, c'est au 89.1 FM. Je suis en campagne pour faire de l'ouvrage. La raconte à bon désordre. numéro 15. Capocinos et Songs About Your Girlfriend descend de la 7e place maintenant en 15e. Ça fait 7 semaines que c'est là quand même. Du côté franco, on a entendu les Delaware Chuck avec Facebook qui était nouvelle entrée la semaine passée. Ça a monté donc de 4 places. Avant ça, on a sauté par-dessus Plants and Animals avec The End of That qui descend de 5 places, mais qui elle aussi date d'il y a 7 semaines. Et au tout début du bloc, c'était Midi Cayenne Club avec Au Canada qui, elle, monte d'une place pour faire changement par rapport aux autres. 5e semaine pour cette pièce. Voilà. Donc, on va faire un autre bloc 3 quarts. Hein. Dès le début de l'émission, c'est comme ça qu'on fait ça. On enlève des affaires pour avoir plus de temps pour les chroniques tout à l'heure. Donc, on va pas entendre la position numéro 14, qui serait celle qui commencerait le bloc normalement. Avec Podcast qui est Talent, ça monte d'une place. On va aller directement en 14e anglophone. Voici Revolver et la pièce Win Song, tout de suite au 89.1 FM. This wind ain't the right wind for me. long. Now I don't know what's right. It's so hard to remember. By the morning she was gone without a sound. The sun shone, the sun shades weren't all around. And the only thing she had left me was a lie. The only thing, oh, the only thing. Aux oreilles. J'entends beaucoup parler de cette pièce-là, tout le monde l'adore. C'est The Ketamines, la formation de Ketamines avec la pièce Teenage Rebellion Time. Ça monte de 5 places en 13e position anglophone. Avant, du côté franco, on a entendu Sago avec une vieille taupe. Ça monte de la 20e, donc plus 7, et c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, on a entendu un 14e anglo, Revolver avec Windsong qui monte de 6. C'était aussi nouveau la semaine passée. Et on a sauté par-dessus avec Podcast, qui est Talent, qui montait d'une place, mais qui est là depuis 5 semaines. Tout à l'heure, il y aura Salomé Leclerc et Charlie Winston, mais avant ça, c'est le bloc ailleurs dans les palmarès, pendant que je suis seul, avant que le contenu arrive. Contenu chronistique, mettons, si on veut inventer un mot. Donc, on va regarder ce qui se passe ailleurs, parce que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, c'est aussi le top 30 des albums, le top 30 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Commençons par le top 30 des albums. Il y a deux nouvelles entrées en 19e place, Trust avec TRST, qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Même chose pour Half Moon Run en 17e place et Dark Eyes. Top 3 maintenant, stable en 3e, Band of Scars avec Sweet Sour. En 2e, l'ancien numéro 1, Islands et Asleep and Forgetting. Et en première, ça monte de 3, Set the Whale et Little Mountain. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, troisième position, ça monte de 15 places, Grimes avec Visions. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Islands et Asleep and Forgetting. Et en première, c'est Set the Whale avec Little Mountain. Donc, pareil comme le top 30 des albums. Dans le top 10 électronique maintenant, on retrouve 4 nouvelles entrées. En 8e, Scratch Massive avec Nuit de Rêve. En 6e position, c'est Lely Mass avec Smoked Beat. En 5e, Sissy avec March of the Humans. Et en 4e, Trust avec TRST. Top 3, tout est stable par rapport à la semaine passée. Donc, T-Mover en 3e avec More Napkins, / More Napkins Remixes. En 2e, c'est DJ Food avec The Search Engine. Et en première place, HIPAA, c'est Happy à l'envers là, avec A1. Top 10 loud pour terminer, une seule nouvelle entrée, Fallen Joy en 10e place avec Order to Die. Top 3 maintenant, 3e place, ça descend de une, Goat Whore avec Blood for the Master. En 2e, l'ancien numéro 1, Nephilim avec Coils of Entropy. Et en première place, ça monte de 5, Cannibal Corpse avec Torture. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On retourne en position numéro 12 maintenant. Du côté anglophone, on retrouvera Charlie Winston avec Hello Alone. Excellente pièce de l'album Running Still, Still Running. Ça monte de 5 places, mais tout de suite, voici Salomé Leclerc qui monte de 2. C'est Garde-moi collé. C'est au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ouais, ben c'est ça. C'est relax. C'est bon. Écoute-moi, observe-moi. Garde-moi collé. Aspire-moi, préfère-moi, garde-moi collé. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Enferme-moi, protège-moi. Garde-moi caché. Aveugle. Respire-moi, garde-moi caché. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. Yeah, yeah, yeah. Whoa, but every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there. And even though I don't invite you, and your presence is a pain, Charlie Winston, Hello Alone, monte de 5 places en 12e position anglophone. Et avant, Franco, c'était Salomé Leclerc avec Garde-moi collé qui monte de 2. Et ça, c'est là depuis 5 semaines. L'album s'appelle Sous les arbres. Il nous reste 2 pièces dans cette première heure de l'émission. Tout à l'heure, il y aura The Jezebels avec Tricolor. Mais tout de suite, voici Galaxy et Entre la lumière et le bruit. C'est au palmarès, c'est fou. Oh, c'est fou. 89.5. Je suis numéro 11. Great conversation, smother it all. Journey my soul over time. You seem like a ride off, compromise. Going for mind over mind. Take all of my heartache, soldier of all. Getting up closer tonight. Go down to make a hell of a morning. Bring me some gold from the vine. In my dreams, I've been a stranger. I'll be La pièce Tricolor de The Jezebels en position numéro 11, ça monte de 4 places. Et avant, Franco, c'était Galaxy avec Entre la lumière et le bruit, ça monte de 2 sur l'album Tigre et Diesel. On se quitte quelques minutes, on revient avec une deuxième heure remplie de bonne musique. Il va y avoir là-dedans, entre autres, les Breastfeeders, Library Voices, The Bar Brothers, The Wood Pigeon, Topanga, Audionaut et Simon Kingsbury. On a aussi plus tard les chroniques de Justine Renaud et de DJ Catardi. Alors restez avec nous, c'est les Palmarès, c'est fou! C'est assez fou pour l'écouter. Vous écoutez les Panoramas Cifou pour la semaine du 19 au 25 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et plus tard, Justine Renaud va arriver avec moi. Ça a l'air bizarre de même. On va aussi avoir DJ Catardi plus tard dans l'émission, ainsi que les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Voilà. On commence cette deuxième heure avec un bloc 3 quarts, comme on aime tant les faire de ces temps-ci. On va sauter par-dessus Funambule, malheureusement, avec l'entre des indécis tout à l'heure. Par contre, on va entendre Library Voices et The Bar Brothers. On débute avec les Breastfeeders en 10e place. Voici Poupée à dormir debout. Au palmarès, c'est fou!

Larry Voices et Traveler's Digest, position numéro 9. Ça monte d'une place, cinquième semaine de présence. Et avant ça, on n'a pas entendu Funambule avec l'entre des Indécis qui descendait d'une place. On a par contre entendu les dixièmes places des deux côtés. The Bar Brothers avec Beggar in the Morning qui monte de 4. Et les Breastfeeders avec Poupé à dormir debout qui monte d'une seule. Voilà. On est rendu au numéro 8 maintenant dans ce condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Tout à l'heure, il y aura Wood Pigeon qui monte d'une place avec Four Paolo. Mais on débute avec une pièce qui descend de 3 places, mais c'est une formation locale, donc on les apprécie. C'est Audio Note. Voici Sur les ondes au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Et partout sur les ondes, hein, finalement. C'est un peu à ça qu'ils servent. Hein? We'll numéro 8. Position numéro 8, ça c'était Wood Pigeon avec Four Paolo qui monte d'une place et avant c'était Audionaut avec Sur les ondes qui descend de 3 places. On est rendu au 7e. Déjà, les choses vont vraiment vite. Là. On est déjà à la moitié de l'émission et on a fait plus de la moitié du palmarès. Donc, il faut bien se faire du temps pour les chroniques qui s'en viennent. Justine Renaud plus tard avec ses tartines de Justine et Drop the Bass avec DJ Catardi. Pour l'instant, donc en 7e anglophone, c'est Topanga avec Fogo Allen qui descend de 5 places. On débute avec Simon Kingsbury qui lui monte de 3. Voici Feu d'artifice. Au palmarès, c'est fou. Ton avenir, tu recules. expérience, t'as plus besoin de dessin pour le plus beau feu d'artifice de ta vie. Toutes ces heures pour un instant, mais juste une flamme pour voir. This forest Oh que oui, Topanga et la pièce Fogo Island, l'ancien numéro 2 qui descend de 5 places maintenant, donc en 7e position anglophone. Avant ça, on a entendu Simon Kingsbury et Feu d'artifice qui monte de 3 places. En 6e anglo maintenant, on va entendre Grimes sur l'album Visions, c'est la pièce Oblivion, ça monte de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée. Mais on va débuter en 6e franco avec Marie-Pierre Arthur, ça monte d'une place. Voici Phil le soir, au 89 FM, c'est fou. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. I'm not afraid to Times et la pièce Oblivion en position numéro 6 anglophone, ça monte de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée. Et on a entendu aussi Marie-Pierre Arthur avec Fil de soie qui monte d'une place. Et son album à elle, c'est aux alentours. Je pense qu'on peut directement passer aux 5e place sans même attendre plus longtemps que ça. Du côté anglophone, c'est Foxy Shazam avec Holy Touch, mais tout de suite, voici, on a créé un monstre et brûle. Heavy with your heart. This is WQRX. That was a new hip. Really? On vient d'entendre Foxy Shazam avec Holy Touch, position numéro 5, ça monte d'une place. Et avant, on a entendu, on a créé un monstre avec Brûle, ça monte d'une place. Et l'album s'appelle L'Iceberg, voilà. On est dans le top 4, hein, vraiment, définitivement, les choses vont vite. Je viens de parler avec Justine Renaud, elle s'en vient, c'est confirmé, donc les tartines de Justine auront bien lieu plus tard dans l'émission. Et sûrement aussi DJ Gattardi, ainsi que les moments préférés de la semaine à Assemblage Rocky, ça s'appelle un instant classique. Pour l'instant, en quatrième anglophone, c'est East Road avec A Long Way To Go, formation locale, ça monte d'une place. Neuvième semaine de présence déjà pour cette formation East Road. On débute par contre avec David Gigard qui lui est là depuis 8 semaines. Ça descend d'une place. Voici encore. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou au 89 FM. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Il y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go to reach the goals of my life, and keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, slowly dying. Dark gray cloud, the sun always shines. After these long black nights, morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire, give my mind a rest. Still a long way to go to reach the goals of my life, keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Tomorrow, if you're slowly dying, crackling of the fire, the sweet song. La formation locale East Road et A Long Way to Go pour son numéro 4, ça monte d'une place. Et en francophone, c'était David Giguère avec Encore qui descend d'une place. Voilà, c'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve tantôt avec le top 3, hein, croyez-le ou non. On va voir là-dedans Winter Mitz, Fanny Blue, Marianne Moffat, Islands, Band of Skulls et Said the Well. Qui est en première place? La semaine passée, c'était Fanny Blue et Islands. Donc, ça reste au moins dans le top 3. J'ai bien hâte de voir où ça finit. Alors, restez avec nous. C'est fou. Pour en l'écouter. 89. Oh. Troisième heure des Palmarès Fou pour la semaine du 19 au 25 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et Justine Renaud s'en vient dans quelques minutes pour sa chronique Les Tartines de Justine. On devrait aussi avoir DJ Catardi pour son segment Drop the Bass d'ici la fin de l'émission. Tout ça en plus des meilleurs moments d'assemblage requis pour un instant classique. Hein. C'est le nom de ce merveilleux bout de l'émission, un instant classique, parce que c'est donc classique. Hein. Instantanément, comme on dit. Position numéro 3, du côté anglophone, ça monte d'une place. Bad of Scores avec The Devil Takes Care of His Own, sixième semaine de présence, mais on débute cette troisième heure avec Ariane Moffat qui descend d'une place. Voici Mon Corps. Au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Je le dirai pas 100 fois. C'est vrai, faut le retenir. Quoi faire avec mon corps? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport. Quoi faire avec mon corps? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps? L'intoxiquer, le purifier ou le peindre en...

devil takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? That if you're idle and you're welfare, now you wanna know an answer. But if you're dancing, you're a dancer. Didn't you read about it? Oh! The devil takes care of his own. C'est ça que j'aime le plus quand l'artiste dit le nom de la pièce juste là en finissant. C'est The Devil Takes Care of His Own de Band of Skulls qui est en position numéro 3 qui monte d'une position. Du côté franco, c'était Ariane Moffat avec Mon Corps qui, elle, descend d'une place sur l'album Mais. Alors, on va passer au numéro 2. Je pense qu'on va déjà rendu là. Et tantôt, DJ Catardi s'en vient avec sa chronique Drop the Bass. Je la vois, elle est juste là. Elle est toute pointe dans son fil. Son fil a plein de nœuds. Ça a l'air complètement fou. T'as pas le droit de répondre. Je sais pas allumer ton micro. Je me trouve drôle, mais c'est pas drôle pour toi, t'sais. Ouais. Faut bien que je me divertisse d'une façon ou d'une autre. Je suis tout seul depuis 2 ans. T'sais. T'as cru pour voir, parle pas. Thank you. numéro 2. C'était Highlands avec Always, position numéro 2. C'est l'ancien numéro 1 de la semaine dernière. Et donc, ça veut dire qu'on a quelqu'un de nouveau en première place. Et puis, du côté francophone, on a entendu Winter Mids avec Le Paradis. Ça monte de 2 positions sur l'album Oceans. Ça veut dire qu'on n'a pas encore entendu numéro 1 franco. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce que vous vous rappelez qui a joué beaucoup cette semaine? C'est probablement ça qui est en première place. Maintenant, au parleur assez fou, je pense que Catardi est prêt à faire sa chronique. Oh, oh, oh yeah! Drop the bass! Drop the bass, DJ Catardi, bonjour! Salut Mathieu! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, content de te retrouver comme à toutes les semaines. Oui, on a une super belle journée pluvieuse aujourd'hui, mais c'est pas grave, il fait chaud. Moi, je me rappelle qu'il y a, plusieurs années de ça, on allait faire du ski en mars. Ben aujourd'hui, on sort nos gogoons. Tu sais, il y a des personnes pires que d'autres dans la vie, puis nous autres, on n'en fait pas partie. On est quand même choyés, on va pas chialer parce qu'il pleut, on va être content parce qu'il fait chaud. Voilà! Positivisme, verre d'eau moitié plein. T'es un modèle. Donc, aujourd'hui, pour ma chronique, Drop the Bass. On va jouer un peu dans du feel good, funky. Après ça, on va aller dans le house. Puis, ça ressemble à ça. Good. Fait qu'on va commencer avec un petit remix de Soul Bossa Nova, Nasé Bailey Mix de Quincy Jones. Donc, Soul Bossa Nova, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la chanson limite thème de Austin Powers. Il semblait aussi qu'elle me disait quelque chose. Ben, c'est ça. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, pour vous faire sourire un peu, pour ramener un peu de bonne humeur dans cette belle journée. Soleil. Un peu de soleil, on pourrait y aller avec Soul Bossa Nova. Drop the bass. Oh yeah. ce qui conclut la chanson Soul Bossa Nova, le petit remix NASA Bailey Mix de Quincy Jones. C'est super bon, ça. Ouais, c'était pas pire. Oui. Vous avez aimé. Je pense qu'en studio, on a eu des fans. Oui. D'ailleurs... Justine. Oui, Justine. Alors, bonjour. Vous me prenez au dépourvu. Pas mal, hein? On te prend un peu au dépourvu, mais c'est parce qu'on a eu une super conversation sur comment tu t'étais claqué back to back Austin Powers 1 et 2. Ouais, poupée! Mais en français ou en anglais? En anglais, voyons. C'est ça, j'ai fait l'erreur d'écouter le premier en français, moi, avec la famille et ma copine. J'ai trouvé ça tellement mauvais. J'étais comme, je regardais ça et j'étais comme... Pas drôle, tu sais. Faudrait que je le regarde en anglais. Non, non, c'est un culte. Là. Je sais que des fois, il y a des blagues de mauvais goût, mais c'est vraiment un must. Il y a beaucoup de jeux de mots là-dedans. Il faut les écouter en anglais, ça se fait pas en France. Donc, DJ Catardi, toujours dans Drop the Beats. Ouais, la prochaine chanson va être une chanson de Martin Solveig. Martin Solveig, si vous vous rappelez, a sorti le hit Hello avec Dragonette. Oh, puis maintenant bon. Aussi, il y a sa chanson Big in Japan qui pogne quand même un peu. Là. Je veux dire, Big in Japan. Il faut pas être très gros pour être considéré comme gros au Japon. J'imagine que c'est ça le jeu de mots que blague vous allez chercher. C'est ça, blague de sumo, tout compris. Puis la chanson, c'est The Night Out, mais c'est le remix de Marion. Marion, qui est un très gros producteur house électro. C'est vraiment une belle chanson. On écoute ça tout de suite. Drop the bass! Hey baby, what's that sound? I make a few steps and I'm falling to ground. It's a long shot, but darling, couldn't love you more. Come on, come on. Hey, baby, give it a try. I can find an answer if you wanna know why. I know I'm never giving up the pleasure to someone. Come on, come on. I'm not the only one. Donc, c'était Martin Solveig, The Night Out, Marion Remix, M-A-D-E-O-N. Donc, la prochaine chanson, on va y aller avec une petite track de Sébastien Ingrosso feat Alesso, qui sont deux gros noms, deux grosses bombes house électro en ce moment. ouais, exact. La chanson, c'est The Calling. Puis, elle a été sortie il y a vraiment plusieurs mois. Ça fait presque un an qu'elle est sortie. Puis, elle a vraiment pogné. Elle a été longtemps sur le top 1 Beatport. Tu sais que quand tu mets ta main devant ta bouche, on n'entend pas vraiment ce que tu dis. Pardon. Elle dit, c'est le fun. Ben, j'ai pas rire de toi. Oui, je sais que t'es bon là-dedans. Merci. Je vais te laisser exceller. Mais je vais continuer aussi en disant que Calling, c'est numéro 2 sur le Beatport en ce moment et c'est la version avec les vocales qui a été re-released, qui a été envoyée sur le marché. Donc, la version avec les vocales Lose My Mind de Calling, Sébastien Ingrosso et Alesso, Drop the Bass. On y va! And wrongs. Can we just for one night let the stars decide where we belong? Maybe heaven right now is a devil or angel away. That won't change. Together we vow that our colors will sparkle the fade. C'était Sébastien Ingrosso et Alesso Calling Lose My Mind. Donc ça, surveillez ça, ça va être un gros hit. Je sais pas si vous avez trouvé que Good Feeling était bonne. Oui. Peut-être qu'elle se rendra pas aussi populaire que Good Feeling, mais ça va être à peu près dans cette braquette-là de popularité, d'après moi. Vraiment un gros son. Puis avant, on a entendu Quincy Jones avec Soul Bossa Nova. Puis on a entendu également Martin Solveig, The Night Out Marianne Remix. Et c'est ce qui conclut ma chronique Drop the Bass. C'est fini pour aujourd'hui, mais on relance la balle à Mathieu. Oh oui, merci beaucoup, Catherine. Excellent travail. La semaine prochaine, une autre chronique Drop the Bass. On a droppé ça, hein, cette bass-là. Il reste rien qu'à la ramasser puis la relance à la tête. Drop the bass. Je sais pas pourquoi je m'en attendais tellement. C'est un mauvais jeu de mots-là. Pas du genre très original. Hein. C'est... Mangez donc. Hein. Ben buvez votre café. Non, on boit pas de café ici, là. Non, je suis pas dans le studio. Vous êtes toujours pas marrant, c'est fou. Et puis, on va prendre une petite pause, minuscule pause, le temps de revenir après ça avec les tartines de Justine qui nous parle de... Fanny Bloom! Fanny Bloom! Il y a aussi les instants classiques d'assemblage requis. Oui, donc. Drop the Bloom! Drop the Bloom! Je pense qu'elle va casser, c'est ça. C'est vraiment mauvais. C'est mon calume. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours au palmarès. C'est fou, il reste seulement les numéros 1 à entendre, même si on n'a pas écouté de palmarès depuis une bonne vingtaine, demi-heure de minutes. Demi-heure de minutes, hein, je ne dis pas pantoute. Vingtaine, trentaine de minutes. Hey, hein? Niaise-moi non. On est rendu au spot de Justine Renaud. On lui fait de la place. Spot. Le spot. Correct, on est anglophone aujourd'hui. Drop the bass. Give me the spot to do my chronics. Voilà. Hein? Spot de parking. Chronics, ouais, c'est ça. Spot de parking. Ici, en ce moment, il y en a beaucoup du stationnement. Oui, hey, à l'université. C'est tout vide. Tout vide. Coûte cher l'heure. Ah, ben très, ça. Très cher. C'est à l'année longue. Ouais. Ouais. On se créerait au centre-ville de Montréal. Mon Dieu, oui. Bon. Oui, mon Dieu. Hey, tartine. Yes, tartine. J'ai faim. Tartine de Justine. Oh, oui. Je joue de la guitare à la place de chialer contre l'intro. Hey! À chaque fois, elle a honte de son intro. Pourquoi elle est j'ai bonne, pas ton honte, intro? J'ai pas honte, j'ai pas honte. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui. Non, je voulais juste lui faire comprendre parce que là, je trouvais que sa musique de fond de chronique était belle. Puis moi, je fais comme plus un peu comme... Oh, pas ouais. De jalousie, cas, non, il n'y a pas de problème. Non, non, je suis pas jalouse. Dans le sens j'espère que le gars qui a trouvé ta chanson va pas se sentir mal d'avoir choisi cette chanson-là. Ça. De quoi le gars? La personne. C'est toi? Ben, c'est moi qui l'ai choisi, ma chanson. Non, la mienne, la tienne, celle de Justine. Oui, tu t'es mêlé ou tu nous mêles, je sais plus. Non, non, c'est l'intro qu'il y a là, moi, okay. Je l'ai trouvé pour elle. Ça. Bref. On arrête d'en parler? Non, oui. Oui, non. Hein? Donc, oui. Aujourd'hui, dans tes tartines, Justine se présente Fanny Bloom. Yeah, drop the Fanny Bloom on the floor and ramasse her before she cries like a baby. Fanny Bloom, artiste que vous connaissez probablement, qui était frontwoman anciennement de la Patarose, feu Patarose, qui est décédé en juin dernier. Qui est ben, groupe qui s'est dissocié. Regarde-moi pas de même, Mathieu. J'ai l'impression que t'as pas l'impression de savoir de quoi je parle. Je sais non, de quoi mais tu parles. Moi, je trouve que ça donne envie de verser une larme parce que c'était quand même un bon oui. Groupe. Oui. Excellent groupe, vraiment. Là, j'ai été comme absolument sidérée. Là. Notre amie Stéphanie Gagné m'avait invité au show d'adieu. Et je suis pas allée parce que dans ce temps-là, j'écoutais pas tant ça. Puis j'avais comme pas accroché encore. J'ai accroché posthume. Mais c'est tout le temps comme ça pour que ça meure. Puis après ça, on regrette que c'est mort. Puis là, voilà. On est triste. Mais tu sais. Ouais. On parlera pas de Whitney Houston puis de Michael Jackson ici. Ouais, non, Amy Winehouse non plus. Oh ouais, non, pas Winnie. On le met tout à bain, par exemple, au moins. Ouais, quand exception. Même. Mais Pater Rose, il y avait des bons artistes là-dedans. Il y avait Fanny Bloom, il y avait aussi... Roboto, Kilo Jules, les gars Kilo Jules de Mr. Valère. Exactement. Dont Mr. Valère, le projet a repris trop de place dans leur vie, fait qu'ils ont laissé tomber la Pater Rose. Malheureusement, sérieusement, je trouvais vraiment que c'était un groupe avec énormément de potentiel. Ouais. Les paroles là-dedans étaient excellentes. La reprise du poème de Charles Baudelaire en première chanson, Les deux bonnes sœurs, c'était du génie selon moi. Puis ça a un peu flushé. Puis là, maintenant, on est rendu avec une Fanny Bloom en solo avec son ami Charles-Étienne. Pourquoi j'oublie tout le temps son nom? Étienne Dupuis-Cloutier. Il n'y a pas de Charles-Étienne là-dedans. Étienne Dupuis-Cloutier qui est aussi oui, qui a une carrière solo. Exactement. Qui est aussi là, un gars là, de la scène Sherbrooklyn un peu. Là. Fait que, ça, c'est Étienne ou Jérôme? Non, moi, je parle d'Étienne Dupuis-Cloutier, moi. Est-ce qu'on se mélange avec un autre gars? Mêle-moi pas. C'est dans beau, ben beau, ça, par exemple, comme expression, scène Sherbrooklyn. Oui! Parce que ça fait un petit peu plus ghetto que Sherbrooke. Exactement. C'est le côté... musical underground de Sherbrooke. Mmh. J'ai lu ça quelque part, en fait. J'ai pas pensé de crédit là-dessus. OK. Tu m'excuseras. Mais bref, pour revenir à Étienne, celui de son frère, parce que l'autre, c'est Jérôme pour vrai. Sérieux? Non, mais ça veut dire que c'est Dupuis-Cloutier. C'est Jérôme. Les deux sont Dupuis-Cloutier. C'est rare, deux noms pareils. Fait que j'imagine que ça doit avoir un lien de famille. Oui, mais ça n'a pas tout à fait de lien avec Fanny Blue. Fait qu'on va revenir avec Fanny Blue. Exact. Ben là, tu sais, ça avait un lien, mais tu t'es rendu 6 degrés plus loin. Je voulais fermer une parenthèse que j'avais ouverte par erreur. S'il te plaît, ferme-la, la parenthèse. Veux-tu bien? Ferme-la. Aujourd'hui, toi, là. Ça fait 5 minutes que je suis arrivée. Je suis déjà tannée. Alors, Fanny Blue qui a sorti son album solo Apprenti Guerrière, dans le fond. Apprenti Guerrière, c'est dans le fond le titre d'une des chansons de Stéphane Lafleur, qui est en fait un autre artiste musicien aussi. Il est cinéaste. En fait, ce gars-là, il fait tout. Non. Une joke de François Pérusse, faut pas que je dise ça en nom. Tu peux, mais... Le chanteur d'Avec Podcast, le musicien d'Avec Podcast, qui a gentiment donné la chanson Apprenti Guerrière à Fanny Blue, qui l'a utilisée dans son album et qui a même nommé son album après cette chanson-là, qui est une superbe chanson. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va écouter. Je veux juste vous parler un peu en général du son de cet album-là, qui m'a quand même un peu déstabilisée. On disait souvent, Fanny Blue va aller en solo, va être beaucoup plus sérieuse. Oublions les Lulu, oublions les conneries de la Marelle. Mais sérieusement, j'ai trouvé que son son il était beaucoup plus enfantin, beaucoup plus bonbon que ce qu'on retrouvait dans La Pâte à Rose. Peut-être que les sujets dont elle traite sont plus sérieux, plus matures. Elle traite d'amour, va traiter un peu de se renaître des cendres, surtout après le projet La Pâte à Rose qui a subi une chute, disons. Mais on va vraiment se souvenir des sons très matures de Dans la pâte à rose. Tandis qu'avec l'album solo de Fanny Blue, c'est beaucoup des synthétiseurs à son bien, bien premier niveau, un peu synthétiseur chantant un peu avec des sons gomme ballon, pas mal selon moi. Là. Puis le petit beat de batterie qui est malheureusement... pas de la vraie batterie. Donc. C'est électronique et ça me tape sur les nerfs, mais royalement. Ouais. Mais, en général, je trouve que son album a été bien réussi et surtout pour les ballades. Mais moi, à la base, je suis pas quelqu'un de ballade. Mais ses ballades sont merveilleuses. Des paroles, comme toujours, très bien réussies parce que c'est elle, d'ailleurs, qui écrivait ses textes dans La Pâte à Rose, d'ailleurs. Fait qu'elle a toujours pas perdu sa plume. Alors, on va aller écouter immédiatement la deuxième chanson de cet album qui est sorti tout récemment. Donc, Respirer la fumée. Ou, comme elle le dit live, Respire the fumes. Bon, dans les tartines de Drop Justine. Drop the bloom! Déjà 4 saisons. Respirer la fumée. accomplish my dream. C'était November Number 3 de Mister Valère, mais featuring Fanny Bloom. C'est pour cette raison-ci que je vous ai fait entendre cette chanson-là. Avant, on avait la chanson Respirer la fumée de son nouvel album Fanny Bloom, Apprenti guerrière. Alors, elle a toujours fait de beaux projets, moi, je trouve, personnellement, avec Mister Valère, que ce soit avec La Patère Rose, en groupe incluant des membres de Mister Valère, puis elle, ou avec Mister Valère en étant vedette d'une chanson et en chantant les paroles, bref. Mm-hmm. Oui, j'aime bien ces deux chansons-là. Oui, bon choix. Oui. C'est tout pour tes tartines, Justine? C'est tout pour mes tartines. Dans deux semaines? Dans deux semaines. Ouais. C'est, je vous ai tous pris par surprise, là, des auditeurs. Là, ils ne s'attendaient pas à ça. T'étais là la semaine passée, donc oui, deux semaines de suite. Oui, c'est ça, exactement. Je suis désolée. La semaine prochaine, je ne serai pas là parce que je m'en vais prendre mes photos de finissant. Ah, pour vrai? Oui, nous autres, on est très en retard. La plupart des gens font ça en septembre. Nous autres, on fait ça. Dernière minute. Vous êtes des rebelles. Oui, on est des rebelles. Eh, hey, merci. Justine. Bienvenue, Mathieu. Je vais t'appeler Tartine, tu sais. Tu peux m'appeler Tartine, mais d'habitude, on m'appelle Titine. Titine, ouais. C'est encore mieux. Hey, c'est encore mieux. On va transitionner d'une façon complètement subtile, comme on aime le faire une fois de temps en temps. Voici un instant classique. Tu veux un instant classique. Classique instantanément. Tu veux un instant classique. Classique instantanément. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 mars 2012. On veut aussi parler à quelqu'un de l'AGEQTR, donc... Un camion a demandé un troisième engin. Un camion a demandé un troisième engin. Pointez-vous dans le studio, là. Des chailles avec lesquelles j'ai cuisiné. Oh oui, tu nous as fait un pain de viande semi-pain, pas tant pain. Hein? Ouais, mais dans le fond, c'est pas véritablement un pain de viande, puisque dans le fond, c'est juste une superposition de viande à l'intérieur. Superposition de viande. Oui, super. On dirait une formule mathématique, superposition du pain. Ah, t'es ou une formule religieuse. Superposition du pain. Du pain, du fils. On a du pain et du fils, non? Surtout qu'on est trois dans le studio, je pense qu'on pourrait faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Wow. Je veux être le Saint-Esprit. Bon. Légèrement salé, poivré. Pas avec du poivre du moulin, parce que j'ai toujours pas mon moulin à poivre. J'attends que quelqu'un m'en offre. Non, c'est du moulin à poivre, c'est rendu sans dry-fry à poivre. Enfin. du moulin, c'est une joke de magasin d'électronique. Là. Du moulin à François, je sais pas si t'as remarqué, là, mais tu m'as amené un journal avec un coin déchiré. Et dans certains pays, on vénère la zone campus comme étant un texte biblique. Biblique. Donc, je pourrais te faire envoyer des pierres. Je sais comme ça. Donc, si les étudiants payent plus, il y a moins d'étudiants à l'université. S'il y a moins d'étudiants à l'université, il y a moins de cerveau pour faire avancer le pays Québec.

Mot de jeu. Malheureusement, mot de jeu. En effet, on pourrait le dire deux fois chaque. Là. Mot de jeu. C'est ça. Parfait. Comme tu veux, parfait. Parfait. De Fanny Bloom. Hey, c'est pas comme ça va être la troisième pièce de Fanny Bloom dans la demi-heure. Mais c'est correct, c'est pour ça que j'ai pas choisi une deuxième chanson de Fanny Bloom de son album Apprenti Guerrière quand j'ai fait ma chronique. T'as bien fait. J'ai choisi une chanson de Mister Valère avec la voix de Fanny Bloom. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas pour entendre 1980 fois la même chanson comme à la station qui ne répète jamais les chansons, comme disait François Tondé. C'est un peu intense. On sont intenses, eux autres, sur la répétition. Un peu, hein? C'est ce que disent les baleines. Set the Whale, c'est le numéro anglophone. Set the Whale avec We Are 1980. Et puis, on débute avec Fanny Bloom. Voici Parfait. C'est stable en première place. Donc, bravo à elle. Deux semaines de suite. C'est parfait. Pas quelque chose qu'on fait sur le parfait. Parfait. Parfait. C'est une note parfaite. Joue donc cette chanson-là, Fanny. Non, mais écoutez le son bonbon. C'est ça que je veux dire par le son bonbon. Continue, Fanny, continue. C'est bon. Bon. est en première position. To the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, send the letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Down the trees and using our guys. We've got matter eyes, loveless sex and information passing right through our skinny Les palmarès, c'est fou de cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on va faire un petit récapitulatif de chaque côté. En troisième place, du côté francophone, c'était Ariane Moffat avec Mon corps. Oui! Oui! J'aime ça. Tellement. En deuxième, c'était Winter Mids avec Le Paradis. Moi, ça, j'adore ça aussi. Oui. Et en première, on a entendu tout à l'heure Fanny Bloom avec Parfait, Parfait qui est stable. Stable. Mm-hmm. Stable, oui. Comme un. C'est quoi, les vaches, là? Non. Stable. Les comme chevaux. Quand tu finis une chirurgie, là, puis qu'elle dit mon patient est stable. Cool. Malaise. Du côté anglophone, troisième position, c'est Band of Scars avec The Devil Takes Care of His Own. En deuxième, ça descend d'une place Islands avec Hallways. Et en première, c'est l'ancien numéro 3 qui monte de 2, donc Seth the Whale, qu'on vient d'entendre avec We Are 1980 sur l'album Little Mountain. Voilà pour le top 20. On se retrouve donc pour la semaine prochaine avec un autre palmarès, ça va être super bon. D'ici là, DJ Catardi et Justine Renaud toujours avec moi et on a envie de parler un petit peu de Cheyaga, n'est-ce pas, DJ? Oui, c'est exact. Donc, justement, on en discutait, toi et moi. Oui. Et on se disait que Oshiaga, du 3 au 5 août, a une super programmation. Super. Vraiment, super programmation. Vraiment hot. Juste pour te donner des gros noms comme ça, Black Keys, Snoop Dogg, Justice, Metric, Feast, Florence and the Machine, MGMT, Weekend, Franz Ferdinand, Amadou et Mariam, Zed's Dead et Madian, qui était justement tantôt dans ma chronique, qui était la deuxième chanson, mm-hmm. qui était un petit remix de Martin Solveig. Donc, toutes mes chansons que j'ai données à mon grand public, à toi, ma chère public, sont aussi sur mon blog djetcatardi.com. Donc, vous pouvez aller rechercher les mêmes titres et les liens de téléchargement sur mon site djetcatardi.com. Tu fais bien de le dire, Djet. Bon, yes! Fait que c'est ça qui conclut... Ça va changer ma vie, ça, ce blog-là, je suis sûre. Oui, hein? J'y vais de ce pas. Ben, bon. peut-être pas jusqu'à changer ta vie, mais peut-être te mettre une couple de bonnes tracks dans les oreilles. Mais non, mais c'est important, parce que mettons que tu veux faire une soirée cet été, parce que oui, l'été arrive à grands pas pour ceux qui se sont pas rendus compte qu'il fait 28 dehors. tu tiens une soirée, t'as pas de musique à mettre, ben va sur le blog à DJ14D. Je vais t'organiser ça. Voilà. Puis en plus, si tu vas sur le côté, tu peux y aller par style de musique que t'aimes. Donc, tout est archivé. J'ai vraiment hâte. Ouais. C'est 2.0 à mort, ça? Non, 3.0. 3.0, c'est ça. Ouais. Attends, 4.0. Ambitionne pas. Parce que Marie-Mé est quoi, 3.0? Hein? Je sais pas, je demande-moi pas ça. Quelle question. En tout cas, elle est au moins 4.0. Bon, voilà donc pour ça, djcatardi.com, c'est bien l'adresse. C'est exact. À retenir, merci beaucoup. On va se mentionner quelques autres plugs, hein, parce qu'on rejoue, on est de retour la semaine prochaine, jeudi entre 14h et 17h. Ce qui après nous, c'est La Spirale à partir de 18h avec Mathieu Leblanc-Houl. On joue les vendredis à 17h. Ce qui après nous, c'est les choix de l'enfer. Les choix de l'enfer, ah, comme un loup, tu sais. Oh. Il y a des loups en enfer. On connaissait pas ce côté-là de toi, par exemple. Ouais, non, merci, merci. L'animal sort. Et pour terminer, les lundis entre 13h et 16h, les Ladies du Boudoir s'en viendront avec leur chronique et leur musique émergente. C'est à 16h. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète et passez par assemblagerequis.com. Tant qu'à être sur Internet, sur le site de Catardi. Là. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Justine Renaud. Merci, Mathieu Plante. Merci, Lidget Catardi. Ben, merci à vous deux. Puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, bonne fête semaine. Bonne fête semaine. Oui. Est-ce que je vais arrêter de dire oh oui? Je suis pas sûr. À date, j'ai l'air de bien aimer ça. Garde pour ta blonde. C'est ça. C'était un petit peu. Je pensais pas qu'elle. Mais là, t'as sorti le loup, on peut bien le cacher. Je fais pas ça par contre. Non, ok, bye.